étoiles de qui m'aimait moi. Oh la nuage confusion j'ai dans petit coin moi, oui moi t'es qu'héritier. Mon ciel, c'est l'amour, mazouka guide moi. L'avenir nous vend moi, agavin chay et moi. Mon ciel, c'est l'amour, faut coupe avec les moi. Et si l'avenir de ce pas soukoué tout comme moi. Oh. Tous les dépens, tiens, moi comme un naufragé.